qui tombe à l'eau. Quelques mots sur ton piano. C'est fini. C'est toute une vie qui s'assombrit. Je l'ai vu dans ton regard. J'ai senti ton désespoir. À quoi bon faire semblant d'y croire? Ne retiens pas tes larmes. Laisse aller ton chagrin. C'est une page qui se tourne et tu n'y peux rien. Ne retiens pas tes larmes. Pleurer, ça fait du bien. Et si tu as de la peine, souviens-toi que je t'aime, je ne serai jamais loin. Tu t'accroches à ton passé, comme si tout s'était figé. Aujourd'hui, il faut céder, abandonner. La douleur qui s'installe, cette absence qui fait si mal. N'aie pas peur, écoute ton cœur. Ne retiens pas tes larmes. Laisse aller ton chagrin. C'est une page qui se tourne et tu n'y peux rien. Ne retiens pas tes larmes. Pleurer, ça fait du bien. Et si tu as de la peine, souviens-toi que je t'aime, je ne serai jamais loin. Ne retiens pas tes larmes. Laisse aller ton chagrin. Et si tu as de la peine, n'oublie pas que je t'aime, je ne serai jamais loin.